Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur, et j'habite le meilleur village du monde entier. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il regorge de légendes géniales. Aujourd'hui, je vais vous parler du Grillon d'Or. À l'extérieur du village, juste après le pont qui enjambe la rivière, se trouve la plaine aux insectes. Un coin d'herbe folle qui vous donne l'impression d'être un vrai dresseur de Pokémon. À chaque pas, vous croisez une nouvelle espèce que vous avez envie de capturer. Mais il y a encore mieux! Au milieu des sangs et des bourdonnements se casse le Grillon d'Or. Les anciens du village racontent que si on l'attrape, la sens ne nous quitte plus jamais. D'après eux, ce grillon magique serait caché dans l'un des milliers de trous que compte la plaine. Et ne comptez pas sur un vulgaire brin d'herbe pour le faire sortir, non! Il n'y a qu'avec une feuille de muguet tressée que vous pourrez le déloser. Alors, chaque mois de mai, avec les autres enfants du village, on cueille un brin de muguet dans la forêt, on s'applique à tresser notre appât, et puis on se met en sas. Chacun a sa technique. Boris et Mila utilisent une carte où ils notent les trous qu'ils ont inspectés. Il y a Aaron et Louis qui utilisent le détecteur de métal de leur papy, Fleur qui utilise une drôle de baguette, et il y a ceux, comme moi, qui vont totalement au hasard. Cette année encore, on a fait sous blanc. Mais ça fait rien, car l'année prochaine, c'est sûr, quelqu'un le trouvera.